Psaume 65. Psaume de David, qui est un cantique, donné au maître chantre. Ô Dieu, la louange t'attend dans le silence en Sion, et le vœu te sera rendu. Tu y entends les requêtes, toute créature viendra jusqu'à toi. Les iniquités avaient prévalu sur moi, mais tu feras l'expiation de nos transgressions. Ô, que bienheureux est celui que tu auras choisi, et que tu auras fait approcher, afin qu'il habite dans tes parvis. Nous serons rassasiés des biens de ta maison, des biens du saint lieu de ton palais. Ô Dieu de notre délivrance, tu nous répondras par des choses terribles, faites avec justice, toi qui es l'assurance de tous les bouts de la terre, et des plus éloignés de la mer. Il tient ferme les montagnes par sa force, et il est saint de puissance. Il apaise le bruit de la mer, le bruit de ses ondes, et l'émotion des peuples. Et ceux qui habitent au bout de la terre, ont peur de tes prodiges, tu réjouis l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre, et après que tu l'as rendue altérée, tu l'enrichis amplement, le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu prépares leur blé, après que tu l'as ainsi disposé. Tu arroses ses sillons, et tu aplanis ses rayons, tu l'amollis par la pluie menue, et tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens, et tes ornières font couler la graisse. Elles la font couler sur les loges du désert, et les coteaux sont ceints de joie. Les campagnes sont revêtues de troupeaux, et les vallées sont couvertes de froment, elles en triomphent, et elles en chantent.